français dans le texte. Bonjour et bienvenue sur les 91 et 102.5 MHz de Sorgues FM. Nous sommes ensemble pour une heure et c'est en français dans le texte. Avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Un portrait croisé donc, tant le couple semble indissociable. Mais l'est-il tant que cela, musicalement et sentimentalement parlant? C'est ce que nous allons voir et surtout écouter à travers cette émission tout entière consacrée au duo Hardy-Dutronc. J'ai couru par-ci par-là, et moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Hardy, Dutronc, Dutronc, Ardon, Hardy, Dutronc. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Pourquoi trouves-tu ça bien toi? Parce que je trouve ça bien toi. À vrai dire ce qu'on chante là. Pourquoi faut-il qu'on chante là? Parce qu'il faut bien perdre de là. Hardy, Hardy, Dutronc, Ardon, Hardy, Dutronc. On s'est trouvé, rien n'est perdu. Tout ça c'est perdu, on va le prouver. Tiens, allume donc les bougies. Et toi, passe-moi les allumettes. Dis donc, tu te prends pour Johnny. Et toi pour Madame Smith. Non, je ne m'appelle pas Marie. Mais moi, je ne suis pas charpentier. Ma maison n'est pas finie. Je préfère parler en pour s'oublier. Hardy, Dutronc, Dutronc, Ardon, Hardy, Dutronc. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. La la li la li la la la la la la la. Françoise Hardy naît en 1944 d'un père d'origine bourgeoise, rarement présent, et d'une mère de parents russes, chez qui Françoise passe souvent les week-ends. Solitaire et complexée, elle se réfugie dans les livres et les chansons diffusées à la radio. Parmi ses prédilections, on trouve Georges Guettari, Tino Rossi, Luis Mariano et Charles Trenet. Mais ça, c'est avant sa découverte du rock'n'roll. Au début des années 60, Françoise auditionne pour la maison de disques Pathé Marconi. Elle ne sera pas retenue, mais poursuit ses efforts, notamment en s'inscrivant au Petit Conservatoire de Mireille. Puis vient la déferlante des yéyés, que Françoise trouve tellement mauvais qu'elle décide d'aller voir leur maison de disques Vogue, en se disant que ce ne doit pas être trop difficile d'y enregistrer un disque. Ce sera le cas, puisque Tous les garçons et les filles sortira chez Vogue en 1962 et se vendra à quelques 700 000 exemplaires. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure je t'aime. sans des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main. Tous les garçons et les filles imposent instantanément Françoise Hardy en France comme à l'étranger. Elle se distingue de ses homologues françaises de l'époque, influencée par les coupes de cheveux héritées des chanteuses américaines des années 50. Elle apparaît incroyablement moderne. Si en France, Françoise est associée au yéyé, en Angleterre, elle est perçue plus proche d'une Marianne Faithfull, par exemple. Les Rolling Stones, Bob Dylan, David Bowie et les Beatles font partie de ses fans. Françoise Hardy commente cet engouement. Je cite. Être l'idéal féminin de Mick Jagger, c'est très flatteur, d'autant quand c'est notre idéal masculin. David Bowie aussi. Je me suis toujours senti des liens avec les yéyés auxquels on m'associait, parce que nous venions du même milieu, populaire. Mais il est curieux que les journalistes m'aient catalogué d'intellectuel, alors que France Gall l'était beaucoup plus, elle venait d'un autre milieu. C'est peut-être parce que j'aimais lire. Je suis davantage une midinette qu'une intello. Tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini, mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxis terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxi terre et terre maxus. Le temps de l'amour, le temps des copains,

Retour en arrière. Nous sommes au début des années 60. Françoise Hardy se souvient. Je cite. « Un jour, dans un bureau, j'ai aperçu un garçon affreux qui avait des lunettes avec des verres de myope très épais et qui, en plus, était plein de boutons. Donc, j'ai à peine fait attention à lui. » Fin de citation. 5 ans plus tard, Françoise a l'occasion de recroiser ce jeune boutonneux. Il a mûri et son allure lui plaît davantage, elle raconte. Je cite. « Je l'ai retrouvé quand je faisais de la scène. Il était pas mal, là. Il commençait à être bien, blond, les yeux... » Fin de citation. La jeune femme lui demande alors d'être son guitariste. Mais alors qu'il pourrait se jeter sur l'occasion, il n'en fait rien. Ils se croisent ensuite à Berlin, mais là non plus, le jeune homme ne montre pas d'intérêt. Et c'est finalement Françoise Hardy, malgré sa timidité légendaire, qui prendra les devants en invitant Jacques Dutronc en Corse. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez-vous l'âme. Il n'y a pas d'amour. Du texte de « Il n'y a pas d'amour heureux », un poème d'Aragon, faut-il le rappeler, Françoise Hardy explique « Ça exprimait beaucoup mieux tout ce que je n'aurais su exprimer, notamment cette phrase « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Pourtant, Françoise écrit, et de manière plutôt subtile, ce qui n'est pas la même affaire avec sa voix, elle l'avoue, je cite « Je ne sais pas chanter, j'ai toujours eu la voix blanche, bon, je chante juste, relativement ». Cet avis n'est évidemment pas partagé. La grande Sophie, grande fan, dit d'elle. Avec Françoise Hardy, on est tout de suite dans l'intimité. On pense qu'elle ne chante que pour nous. Une citation à rapprocher d'une autre citation, signée Françoise H, quand elle qualifie la chanson d'art dans le sens où on arrive, avec ce qui est pour soi, à faire quelque chose dans laquelle les autres peuvent se reconnaître. Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. J'aime les papa. Je me les vis de l'autre. Je me les vis sans papa. Je me les vis de me gêner. Je me les vis de se tromper. Je me les vis qui font la grève. Je me les vis qui vont camper. La Rochelle, j'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles pour marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Les mercredis des 10 à 11h et les jeudis des 17h30 à 18h30, vous avez rendez-vous avec Bertrand pour une heure de chansons françaises et c'est en français dans les textes. Des Brel à Aznavour, des Brassens à Ferrat, des Moustaki à Régénie, des Barbara à Juliette et à Delerme au Biolay. Retrouvez l'histoire de la chanson française à travers des titres, paroles et musiques, mais aussi des anecdotes sur la réalisation des chansons. Alors, n'oubliez pas, en français dans les textes, c'est les mercredis des 10 à 11h et les jeudis des 17h30 à 18h30 sur Sorgea FM. La relation entre Françoise Hardy et Jacques Dutronc débute en septembre 1967. Pendant 6 ans, le couple ne fait que se croiser, une situation qui déplaît fortement à Françoise, qui ne peut s'empêcher d'évacuer sa frustration par l'intermédiaire de ses chansons, des paroles mélancoliques qui ne sont pas du goût de Dutronc. D'un point de vue artistique, pourtant, Françoise est heureuse. Ses titres sont beaucoup plus orchestrés, mais les ventes deviennent médiocres. Il faudra attendre sa rencontre avec Serge Gainsbourg pour renouer avec le succès. Françoise Hardy raconte. Je cite. J'étais tombé sur un instrumental qui me semblait intéressant et mon agent m'a proposé de demander à Serge d'en écrire les paroles, ce qui m'apparaissait hautement improbable car, à ma connaissance, il n'écrivait des paroles que sur ses mélodies. Et contre toute attente, il a accepté. Thank you.

tu es ma question sans réponse. Mon cri muet et mon silence. La question est le titre du 11e album de Françoise Hardy, sorti en 1971 et co-composé avec l'artiste brésilienne Tuca. Au sujet de la chanson éponyme, Élodie Frégé estime qu'on ne sait pas si elle connaît ou ne connaît pas encore cette personne. Françoise Hardy, elle, explique qu'elle pensait à Jacques. Malgré des hauts et des bas, le couple a un fils, Thomas, né en 1973. Le chanteur emménagera avec Françoise Hardy un an après la naissance de leur fils. C'est parce que je lui ai posé la question, sinon il ne l'aurait pas proposé, se souvient Françoise. Et, cerise sur le gâteau, chacun a son propre étage. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran, et au sauna à Sahana, j'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau, j'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et Malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier. Alors que la chanteuse est fidèle à son compagnon, ce dernier enchaîne les conquêtes, notamment ses partenaires de cinéma, la plus connue d'entre elles étant Romy Schneider. Pour autant, Françoise et Jacques se marient en 1981, une cérémonie qui ressemble davantage à une formalité qu'à un acte d'amour, Jacques se montrant très disponible pour son fils Thomas, davantage que pour sa femme, peut-être. Ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème, et d'une rime à l'autre, elle va bras ballants. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine, et les coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de mirliton qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois chercher la violette, la pluie tombe aujourd'hui qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant

plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Au fil du temps, la relation entre Françoise et Jacques ne fait que s'étioler et se termine en 1988, lorsque Françoise Hardy a une aventure avec un autre homme. Aussi attachée qu'elle le soit à Jacques, c'est elle qui décide de mettre un terme au couple. Quant à la question d'un divorce, Jacques dit n'y avoir jamais pensé, bien qu'il soit en couple depuis 1997 avec une autre femme. Depuis, les deux chanteurs n'ont jamais perdu le contact, se retrouvant régulièrement en Corse pour se reposer. Couper les ponts, il n'en était pas question pour Françoise, je cite. À l'âge que nous avons, avec les problèmes de santé et le peu de temps qu'il nous reste à vivre, ce n'est pas le moment, conclut-elle. Ainsi, Jacques sera présent au début des années 2000 lors du premier cancer de Françoise et s'enquérera de sa santé jusqu'à la fin, même si c'est depuis la Corse où il réside désormais à temps plein. On est bien peu de choses. Pour Françoise, les années 80 ont été celles de la remise en question. À la quarantaine, il vaut mieux arrêter que de se sentir déphasée par rapport à la musique et la nouvelle génération, se dit-elle. Elle fait beaucoup d'astrologie, écrit des livres, présente une émission radio sur RMC, mais signe aussi un duo avec Étienne Dao, et Si je m'en vais avant toi. Comment te dire adieu est repris par Jimmy Somerville, Tous les garçons et les filles par Annie Lennox au sein du Eurythmics. On entend Françoise au duo avec le groupe Blur sur un titre du groupe britannique. C'est que, tout doucement, au cours des années 90, elle a changé de statut. On parle d'elle dans les Inrock. Dans l'IB, elle est classée dans la même catégorie qu'Alain Bachung, quelqu'un dont on prend l'œuvre au sérieux. Beck est un vrai fan. Tout cela l'amène à tant de belles choses qu'elle écrit au début des années 2000 lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer. Avec cette chanson, écrite pour Thomas et que reprendra notamment Benjamin Biolay, c'est un retour à l'épure. Quelque chose comme la quintessence de son œuvre. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne t'effera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore, tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre vie, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous jeudi de 17h30 à 18h30 et mercredi de 10 à 11h sur les 91 et 102.5 MHz de Sorgues FM pour une nouvelle émission de En français dans le texte. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine à l'écoute de Sorgues FM, évidemment. Scriptum. Lors de cette émission, vous avez pu entendre les chansons suivantes, toutes interprétées par Jacques Dutronc, Françoise Hardy, ou Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Dutry Ardon, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, Tous les garçons et les filles, de Françoise Hardy, Mini Mini Mini, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, Le temps de l'amour, de Jacques Dutronc, Lucien Maurice et André Salvet, L'opportuniste, de Jacques Lanzmann, Anne Séguélen et Jacques Dutronc, Il n'y a pas d'amour heureux, de Louis Aragon et Georges Brassens, J'aime les filles et les garçons, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, Comment te dire adieu, d'Arnold Goland et Jacob Gold, adapté en français par Serge Gainsbourg, Les Playboys et la fille du Père Noël, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, La question, de Françoise Hardy et Touka, L'aventurier, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, Ma jeunesse Foulcan, de Guy Pontempelli, Fais pas ci, fais pas ça, de Jacques Lanzmann, Anne Séguélen et Jacques Dutronc. Message personnel de Françoise Hardy et Michel Berger. On nous cache tout, on nous dit rien, de Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc. Tant de belles choses de Françoise Hardy, Pascal Daniel et Alain Lubrano. Ainsi qu'un extrait de Mon ami la rose de Cécile Collier et Jacques Lacombe. Et Comptine d'un autre été l'après-midi de Yann Tiersen.